professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi faut-il à certains moments rendre visible ? Pourquoi l'éloquence visuelle ? Pourquoi des images et pas seulement des récits ? Le Léviathan va-t-il nous dévorer ou nous incorporer ? Quels sont les enjeux des frontispices ? Celui du Léviathan fait-il écran ? Léviathan est-il un monstre bienveillant ou malveillant ? Patrick Boucheron, titulaire de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, interroge à partir de ce cours le Léviathan de Thomas Hobbes, publié en 1651. « Nous voici face au monstre », nous dit-il. Et j'en rappelle l'image. Un corps géant, monumental, avec une tête d'un homme du XVIIe siècle qui nous regarde et dont on ne sait que penser de l'expression, et dont le corps immense est fait d'une multitude d'êtres humains bien visibles. Cette tête émerge au-dessus d'un pays, fait d'une petite montagne que ce colosse domine avec son épée et sa crosse, où se devinent quelques villages adossés à ses pentes, tandis qu'au pied de cette montagne s'étire une ville avec son plan en damier. Voilà pour la partie la plus célèbre et la plus sensationnelle de la représentation qui ouvre le Léviathan. La deuxième partie de cet illustre et glaçon frontispice, que Patrick Boucheron nous livre au cœur de sa série sur les fictions politiques, n'en est pas moins énigmatique, avec ses vignettes emblèmes, ses deux scénettes et en son centre, sur un rideau, le titre mystérieux et effrayant « Léviathan ». Donc à la fois monstre marin, titre de livre, et figuration de l'État. Qu'est-ce qui se joue avec les images, avec l'iconoclasme ? Qu'est-ce qu'un emblème ? Patrick Boucheron cite la définition d'Alcia. Il rappelle la réversibilité de toute fiction politique, les deux corps du roi et l'habeas corpus, avant de revenir sur la société eucharistique d'après le retable des sept sacrements peint en 1445, système social, système spatial, régime du visible, nous dit-il. Avant l'image de Léviathan, il interroge la fiction théologique, il nous introduit au cœur d'autres représentations, d'autres retables. Il cite Jean-Louis Schaeffer dans L'hostie profanée, histoire d'une fiction théologique, qui évoque un théâtre eucharistique dans lequel les juifs médiévaux sont enrôlés pour une illustration doctrinale. Ces fictions visuelles mettent en scène des déicides perpétuels, des violences contre les symboles et contre les juifs, des autels diaboliques, et présentent à divers degrés des échos de la passion du Christ. Revenant sur le songe de Louis VII et celui du cerf ensanglanté et dévoré, Patrick Boucheron note, et je le cite, que le cannibalisme comme retournement monstrueux de la métaphore eucharistique déborde la théorie politique pour hanter tout imaginaire du pouvoir. L'historien note aussi l'ubiguïté de la barbarie sur la question des sauvages du Nouveau Monde et de l'ensauvagement de l'Ancien Monde au moment de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas en 1598. Cette barbarie qui se déploie, c'est aussi celle des guerres de religion. Et nous voici donc enfin face au monstre, Léviathan, 1651, nous dit Patrick Boucheron, qui demande aussitôt « Pourquoi Thomas Hobbes ne peut-il penser l'État sans en créer l'image ?» Quel est cet événement visuel et de pensée ? Pourquoi ce frontispice ? Quelle est cette grosse bête qui monte la garde, nous dit-il, tandis qu'en lui obéissant nous-mêmes, nous lui donnons les moyens de nous garder ? Qu'est-ce qui demeure de la liberté sous l'emprise de l'arbitraire ? Que révèle le rideau de Léviathan ? et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 février 2017. L'avènement d'une image fait toujours événement. Pourquoi faut-il qu'à certains moments, mais pas tout le temps, on doive rendre visible ? Pourquoi la pensée doit-elle parfois se précipiter dans une figure, s'y arrêter, en somme, plutôt que de continuer à fluer dans les fictions ? Pourquoi des images et pas seulement des récits ? Et surtout, à quel moment ? Ces moments où la dialectique est mise à l'arrêt, Walter Benjamin les appelle dans sa 17e thèse sur l'histoire des immobilisations. Je le cite, « Lorsque la pensée s'arrête tout d'un coup dans une constellation saturée de tensions, elle fait subir à celle-ci un choc à la suite duquel elle se cristallise sous forme de monade. » Nous allons parler aujourd'hui des emblèmes. L'humaniste Andrea Alciato, qui est né à Milan en 1492, qui a enseigné à Avignon, mais aussi à Bourges, est l'auteur du premier recueil d'emblèmes paru à Augsbourg en 1531. Donc voici une planche, qui est la planche de l'éloquence, justement. Qu'est-ce qu'un emblème ? C'est, je cite Alcia, une espèce particulière d'épigramme, c'est-à-dire un objet pris à l'histoire ou à la nature, susceptible de recevoir un sens ingénieux. Un sens ingénieux, ça veut dire effectivement pas celui que l'on va voir, mais celui qu'on va chercher si l'on s'y arrête, justement. Et qui n'est pas le sens de la chose elle-même. Verba signifiante, res significantur. Le mot signifie, la chose est signifiée. Mais par l'emblème, la chose signifie à son tour, et ce qui lui fait dire ce qu'elle n'est pas, c'est le texte qui la commente. Et de là, l'invention d'une iconologie politique dont on va commencer aujourd'hui à commenter la plus fameuse, la plus célèbre, la plus terrible, la plus puissante des illustrations, le frontispice du Léviathan de Thomas Hobbes, qui nous occupera aujourd'hui et la fois prochaine. Mais patience. Pour le comprendre, il nous faut d'abord mobiliser tout ce qu'on a tenté de saisir à travers la deuxième et troisième séance consacrée aux effets de vérité et aux effets de croyance, rassembler autour de cette idée contre-intuitive que les doctes peuvent imposer leur pouvoir par une orthodoxie de l'invraisemblable. Et cette idée que je suggérais, elle est tout entière, au fond, dominée par le mécanisme de la réversibilité, c'est-à-dire l'idée que toute fiction politique est réversible, qu'elle peut se retourner comme un gant, avons-nous dit souvent. Pas seulement quand une croyance politique perd de son intensité, c'est le cas, par exemple, de la baisse de croyance des rois thaumaturges pour Marc Bloch, mais lorsqu'au contraire, elle inverse ses polarités. C'est le cas des opérations du droit, que sont les fictions juridiques. C'est le cas surtout de cette métaphore organiciste de la double corporealité du roi, dont effectivement le Léviathan montre, je dirais, le stade ultime, puisque dès lors que vient se loger dans le corps mortel du roi l'immortalité du corps mystique de la royauté, comme l'immutabilité à l'intérieur du temps, ce dualisme corporel qui fonde la persona ficta du souverain, et qui n'est pas propre à la théorie monarchiste, dont la théorie monarchiste n'est au fond qu'un détournement, eh bien, d'une certaine manière, elle se rend disponible à toute autre forme d'appropriation, y compris démocratique, dans le cas de l'Angleterre, évidemment, de l'habeas corpus, dans le cas surtout de l'Angleterre de la première révolution, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire où l'on peut, retournant la métaphore organiciste du royaume, décapiter le roi d'Angleterre, Charles Ier, le 30 janvier 1649, pour sauver la royauté. Et c'est d'ailleurs pour cela que Kantorowicz achevait son livre sur les deux corps du roi par la souveraineté centrée sur l'homme, d'après l'œuvre de Dante, notre démocratie n'étant au fond rien d'autre que la reprise de cette métaphore organiciste pour laquelle l'homme périssable, effaillible, porte toujours en lui la forme perpétuelle de l'humanité. peut appeler, par exemple, les droits de l'homme. Or, justement, ce qui heurte, comme l'a montré Alain Bourreau, cette idée de l'ipséité corporelle qui progresse depuis 1350, c'est le fait que la perception commune montre bien que, au fond, quand on s'approche d'un roi, ben, on ne voit qu'un roi. On ne voit pas la royauté. Au fond, c'est ce que, tout simplement, Comines évoque lorsqu'il écrit dans ses mémoires ce qu'était sa familiarité avec Louis XI. « Chez lui, comme chez tous les autres princes que j'ai connus ou servis, j'ai vu du bien et du mal, car ils sont hommes comme nous. » Et d'une certaine manière, un juriste comme Pierre Grégoire, fin du XVIe siècle, lorsqu'il écrit que la majesté de Dieu apparaît dans le prince extérieurement pour le service des sujets, mais intérieurement demeure ce qui est humain, d'une certaine manière, je dis qu'il vend la mèche. C'est-à-dire qu'il ramène la mystique théologico-politique, il la rabat, au fond, à l'étalage extérieur des insignes royaux. Et d'une certaine manière, on n'a même pas besoin du drame shakespearien de la défaite du corps souverain pour que tout se disjoigne piteusement. Ainsi, dans cette caricature de Sacrae, qui désassemble le célèbre portrait de Louis XIV par Rigaud en plaçant côte à côte la pompe de la dignité royale et la petitesse du corps royal. C'est-à-dire que si ce n'est que cela, alors ça se désassemble très facilement. Ce n'est que de l'apparat. On se souvient de la phrase de Michelet à propos de Louis XVI fuyant à Varennes en juin 1791. Qui eût osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il eût montré ses habits ? Grandeur de la dignité royale, faiblesse de la nature du roi sont comme l'avers et le revers de la médaille, de cette hostie cérémonielle qu'est pour Louis Marin une médaille. De là, l'inversion brutale du rituel de l'entrée royale lors du retour du roi à Paris contre épreuve de subversion cérémoniale. De là, d'ailleurs, toutes les entreprises d'iconoclasme. On pense à la belle description dans les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier de la déception des insurgés qui avaient mis à bas la statue équestre de Louis XV. Elle tombe, il n'y a rien dedans. Tout était creux, puissance et statue. Et on peut lire des témoignages similaires sur la chute de la colonne Vendôme en mai 1871 qui répand un nuage de poussière venant se déposer sur les épaules, les têtes et partout sur la place et laissant au fond dépités, déçus les insurgés comprenant que si longtemps ils n'ont obéi qu'à ça. Telle est la leçon politique au fond de l'iconoclasme. Elle met à nu la vacuité du fétiche. Et voilà pourquoi l'iconologie politique, c'est la question de la réversibilité, porte toujours en elle la possibilité de l'iconoclasme. Ce que Bruno Latour appelle l'iconoclash, c'est-à-dire la capacité de faire image de la destruction des images. Et de cela, évidemment, on parlera la fois prochaine à travers des exemples tristement contemporains. Il suffit donc d'ouvrir les yeux, disait Michel Foucault, ouvrir les yeux vers ce qui nous regarde, les idoles d'or aux yeux de guêpe comme la Majestas de Sainte-Foy de Conques, dont je vous avais parlé sans vous la faire voir, et la voici, puisque, face au mystère, les laïcs sont invités à cette manducatio per visum, par cette manducation par la vue, l'élévation de l'hostie rendant visible cette présence réelle que le coup de force grégorien du réalisme eucharistique impose en tant précisément qu'elle est si difficile à croire. Voilà pourquoi ce que j'ai proposé d'appeler dans la quatrième séance « société eucharistique » est cette forme sociale dont la transsubstantiation est la métaphore. Ce système social est un système spatial structuré par la hiérarchisation de la visibilité et j'avais évoqué, sans la faire voir là encore, c'est un rattrapage, le retable des sept sacrements peint en 1445 par le flamand Roger van den Weyden, et où vous voyez sur le panneau central le Christ supplicié dans l'église, la hauteur de la croix soulevant littéralement la verticalité du monument, et c'est vraiment lui, Et c'est vraiment maintenant. Et les femmes qui pleurent au pied de la croix sont, au fond, contemporaines, de plein pied, avec les fidèles qui vaquent dans l'Église. Et le passé et le présent sont, d'une certaine manière, joints, côte à côte. Et il n'y a ni avant, ni après. Et c'est le temps qui est aboli, qui est là encore comme mis à l'arrêt. C'est cela, l'immobilisation de l'image. Sept sacrements, donc le super sacrement qu'est l'Eucharistie, trois à gauche, trois à droite, mais il ne s'agit pas pour autant d'un englobement totalitaire, d'une sorte de Big Brother médiéval. Ce que je cherche au contraire à rendre, c'est la faiblesse du croire qui met à l'épreuve la consistance de la communauté chrétienne. Et une fois de plus, cette consistance passe par l'épreuve de la fiction. Alors, je vais en développer une un peu plus longuement, à laquelle je n'avais fait qu'allusion, mais qui est tellement importante que je me dois de m'y arrêter, justement. C'est à Urbino que cette fiction se rend visible, et en particulier sur le retable du maître-autel de l'église du Corpus Domini, aujourd'hui conservé à la Galerie nationale des Marches. La congrégation du Corpus Domini est une confraternité de laïcs dont les statuts datent de 1351 et qui a été favorisée par Pie II, le pape Pie II, dans le cadre de ses projets de croisade après contre les Turcs après la prise de Constantinople. Et ces projets de croisade passaient rituellement par une réactivation du culte du Saint-Sacrement à travers notamment la multiplication des processions de la fête Dieu. Donc, on en est là, hein, au milieu du XVe siècle, dans les années 1460, 1470, où je dirais que le rêve du mythe de croisade s'exprime par une panique eucharistique, voilà, et une sorte de ferveur, justement, de la transsubstantiation. La scène du tableau d'autel, qui est donc commandée par ces laïcs, est donc très inhabituelle, hein, puisque vous voyez, elle figure Jésus, qui distribue lui-même l'Eucharistie aux apôtres. Et vous devinez peut-être le profil, l'homme avec le nez cassé, avec le bonnet rouge du prince, du duc d'Urbino, Federico da Montefeltro, qui soutient la confrérie, et qui est représenté en conversation avec le médecin juif Isaac, à moins qu'il ne s'agisse de Caterino Zeno, qui est l'ambassadeur du Shah de Perse. À Urbino. Ça veut dire que, évidemment, la croisade n'est pas loin et que la société eucharistique va s'imposer à tous. Le tableau est attribué au peintre flamand Juste de Gand, de son vrai nom Jos van Wassenhove, que Vasari désigne dans la préface de ses vies comme l'un des pionniers de la peinture à l'huile. Il a peint le tableau montrant la communion du duc d'Urbain, écrit Vasari dans la préface des vies. En fait, Federico da Montefeltro assiste à la scène davantage qu'il n'y participe. J'ajouterai que l'attribution de ce tableau à Jean de Gand est certaine, puisqu'on dispose des ordres de paiement de la fraternité au peintre entre février 1473 et octobre 1474. Et ces comptes nous apprennent aussi, c'est assez intéressant, il fallait une prédelle, hein, c'est-à-dire un long tableau sous le tableau d'autel. La prédelle avait été faite par Paolo Uccello et on avait demandé le tableau d'autel à Piero della Francesca et il alla voir la prédelle et la voyant, il a dit « non, ça je peux pas, je peux pas mettre quelque chose au-dessus » et les comtes accordent même un défraiement pour son voyage le 8 avril 1469. Alors, quelle est cette prédelle qui impressionna tant Piero della Francesca au point de lui faire renoncer à la commande. La prédelle d'Urbino, que vous ne voyez pas là pour l'instant, mais je vais la détailler, juste pour indiquer effectivement l'allure générale, d'étrempe sur bois peinte, entre 1467 et 1468, représentant le miracle de l'hostie profanée. L'œuvre donc, a également été commandée deux ans auparavant par la compagnie du Corpus Domini. Elle est aujourd'hui très abîmée parce qu'elle a servi de planche en fait, aux maçons du palais d'Urbino pendant longtemps. Et le récit se déploie en six panneaux, comme un film. Voici. Une femme chrétienne, misérable, mais son manteau engage chez un prêteur, qui est évidemment juif. À échéance du prêt, elle ne peut rembourser sa dette, alors l'usurier lui propose de lui restituer son bien en échange d'une hostie consacrée. La pauvresse accepte, et c'est ce qu'on voit sur cette première scène, l'hostie se détachant sur le fond noir d'un livre, on y reviendra, au-dessus du comptoir du marchand. Qu'est-ce que fait notre marchand juif? Ce que font tous les marchands juifs lorsqu'ils ont une hostie consacrée, ils la poignardent, ils la mettent à saigner, ils la font frire sur une poêle, et des hommes en armes voient un ruisseau de sang s'écouler de la maison du juif, ils arrêtent l'usurier et sa famille. On les voit sur cette deuxième scène, donc, qui rassemble des deux temporalités dans une même image. On voit donc dans cette deuxième scène la soldatesque fracasser la porte, on voit un enfant pleurer, on voit un autre se réfugier dans le giron de sa mère, et on tremble évidemment parce que des maisons fracassées, des soldats qui défoncent des portes et des enfants qui pleurent, on en a beaucoup vu. C'est la deuxième scène qui donc resserre la narration en un seul temps suspendu. La troisième figure une procession conduite par le pape, coiffé d'une tiare, vous le reconnaissez, qui ramène l'hostie portée dans un ostensoir, donc c'est la fête Dieu, à l'autel, et qui procède à la reconsécration, évidemment, après le sacrilège. Qu'est-ce qu'on va faire de la pécheresse? On va la pendre. Des arbres, l'arbre est prêt, on a même coupé des branches, vous avez vu, il y a une échelle, mais au moment même du supplice, voyez la soldatesque, là encore, un ange arrête la main des bourreaux, c'est la quatrième scène. Elle est sans doute concomitante de la cinquième, c'est-à-dire du moment où la famille, toute la famille, femme, enfant de l'usurier juif, est brûlé en place publique, devant des soldats qui, eux aussi, portent des oriflammes, qui sont des oriflammes où sont indiqués SPQR. Dans la sixième et dernière scène, deux anges et deux démons se disputent le corps d'une femme vêtue de rouge et couchée sur un catafalque. Sans doute est-ce la pécheresse, mais c'est pas si évident parce que tout le monde est habillé de rouge. Sans doute est-ce la pécheresse devant la justice divine, donc elle a été sauvée une première fois par la justice des hommes. Là, elle est en train d'être sauvée. C'est pas net, mais enfin, on voit bien que les anges sont plus près de la tête, que les démons sont prêts, au contraire, à rebrousser chemin, à quitter les lieux. Donc, c'est donc que la chrétienne repentie a vu peut-être sa prière exaucée. Dans un article qui est paru en 1952 dans la revue archéologique, Pierre-Franck Castel a le premier reconnu dans la prédelle d'Urbino le mystère parisien des billettes de 1290, qui a été raconté par Giovanni Villani. Jonatas, un prêteur sur gage juif, obtient une hostie consacrée en contrepartie du solde d'une dette et tente de lui infliger des supplices mimant la passion du Christ. Elle est tailladée, elle est lacérée, elle est brûlée, bouillie, elle saigne, mais elle est indestructible. Et ces scènes sont amplement représentées, notamment sur les vitraux de l'église Saint-Éloi de Rouen, datant du XVIe siècle. Mais enfin, il y en a plein, des représentations des hosties profanées et des crimes rituels des Juifs. Il y en a beaucoup, surtout à partir du XVe, XVIe siècle. Or, que se passait-il dans le récit parisien? L'inverse de ce qui est représenté par Paolo Uccello. La femme chrétienne s'enfuit et disparaît, la femme juive se convertit, baptise ses enfants et les sauve. Seul, l'usurier est brûlé. Vous remarquez que dans les états de l'Église, en revanche, il n'y a pas de pardon. Tous les juifs meurent. Mais la femme, elle, chrétienne, est sauvée. C'est donc la communauté chrétienne qui sort réconciliée de l'épreuve. Pierre-Franck Castel a également analysé le cloisonnement des séquences, voilà à nouveau la prédelle, mais coupée en trois. Et vous voyez que les scènes sont combinées par paires qui sont opposées par les colonnettes. en fonction de points de fuite qui sont divergents, vous voyez la chorégraphie des ors, des gris, des bleus, que domine la vivacité du rouge. Vous voyez cette extraordinaire ligne mélodique du profil des collines qui s'élève et qui s'abaisse comme si chaque panneau passait devant un spectateur en mouvement. Et comme si on voyait cette scène rythmée, rompue par un élément vertical. En gros, voilà, si on a pris le train, c'est difficile de ne pas voir un paysage qui défile et qui est saccadé par un long travelling, par les montants des fenêtres. D'une certaine manière, cette question du mouvement, elle n'est pas si absurde que ça, parce que cet effet proprement stupéfiant des effets que l'on voit déjà dans cet extraordinaire tableau qui est celui de la chasse nocturne de Paolo Uccello. En fait, Pierre-Franc Castel montre que ça mime peut-être un déplacement réel. C'est celui des chars décorés lors des processions commémoratives du miracle de la fête Dieu. Et donc, il y aurait des transpositions de scènes mimées. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le miracle et la scène de la vie quotidienne baignent dans un même équilibre chromatique qui est dominé par l'écarlate et qui est entièrement rythmé par une chorégraphie élégante. Tout se passe comme si le sacré, le rituel, étant réabsorbé par la réalité, devenant indiscernable. Et en cela, c'est une œuvre qui est, comme le dit Franck Castel, proprement corporative. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de ce prototype parisien du miracle des billettes qui date de 1290, on peut suivre l'invention d'un scénario complet qui s'étoffe de récit en récit, d'affaire en affaire, de Bruxelles en 1369 à Passau en 1477, et dont Jean-Louis Schaeffer, dans un livre à la fois profond et profus, qui est paru en 2007 sous le titre « L'hostie profanée, histoire d'une fiction théologique », a décrit le parcours. C'est une fiction théologique parce que c'est un théâtre. C'est un théâtre eucharistique dans lequel les Juifs médiévaux jouent à leur corps défendant un rôle, sont enrôlés pour une illustration doctrinale. Et à travers la répétition obstinée des attentats au sacrement, ils deviennent des déicides perpétuels. Et l'image est effectivement ce point d'arrêt de résurgence d'une généalogie profonde qui est celle de l'anti-judaïsme chrétien qui forge souterrainement les imaginaires sociaux et qui, ça et là, trouve ses points de résurgence. À la fin du XVIIIe siècle, dans ses tableaux parisiens, Louis-Sébastien Bercier, justement, mentionne encore l'église des Billettes, qui est aujourd'hui rue des Archives, c'est devenu un temple protestant. Et l'on suit le cheminement fictionnel dans la littérature, depuis Shakespeare et le personnage de Shylock dans Le Marchand de Venise, jusqu'à la messe de Laté de Balzac, la rôtisserie de la reine Pédocque d'Anatole France, et évidemment le Dracula de l'Irlandais Bram Stoker en 1897. Parce que le personnage du monstre des Carpates, buveur de sang, issu lui-même d'une génération fictionnelle qui, de Gilles de Rais aux ogres de Perrault, exprime toujours la pathologie d'un pouvoir par la dévoration infanticide, s'appuyant d'ailleurs sur une légende qui s'est développée dans ces mêmes années-là et dans ce même contexte anti-ottoman, puisque l'origine de Dracula, vous le savez, c'est le prince réel de Valachie, Vlad III Tepes, l'empaleur en roumain, qui est un personnage historique qui avait été enrôlé par le roi de Hongrie Matthias Corvin, instrumentalisé dans sa lutte contre l'Empire ottoman et qui meurt décapité à Bucarest en 1476, sa tête étant envoyée au sultan turc. Et Bram Stoker a d'ailleurs accès à cette légende à partir de la somme de Don Calvet, Dissertation sur les revenants encore, les excommuniés et les vampires, paru en 1751, au moment d'ailleurs où les rapports entre la maison d'Autriche et l'Empire ottoman reprennent une actualité, de même que les débats eucharistiques. Donc, ce qui est en jeu dans les légendes de vampires, nos fictions politiques, c'est évidemment ce nœud puissant entre l'imaginaire de la contagion, de la pathologie du pouvoir comme déséquilibre des substances entre l'âme et le corps, et de l'exacerbation paroxystique de cette fiction théologique de l'hostie profanée. Pour en rester aux années 1470, il suffit de comparer aux images suscitées par l'accusation du meurtre rituel de Simon de Trente, dont j'avais parlé, lors du Jeudi Saint 1475. J'en rappelle l'histoire. On a retrouvé un petit enfant de 2 ans et demi, Simon, à Trente, dans le Haut-Adige, au fond d'un puits adjacent à la maison d'un juif, Samuel de Nuremberg, et très rapidement, les juifs sont accusés de meurtre, du meurtre rituel, et ils sont convaincus d'avoir voulu saigner ce pauvre enfant pour faire du pain azim, et sous la torture, les présumés coupables finissent par avouer leur culpabilité, et Simon de Trente finira béatifié. Il s'agissait, alors ils décrivent évidemment le rituel, il s'agissait de recueillir le sang de l'enfant pour préparer les pains azim qui, mélangés au vin, devaient bénir la table du céder. Vous avez ici, sur ce bois gravé, publié à Augsbourg, 2 ans plus tard, en 1477, comme l'a montré Andrea Martignoni, l'image de Simone, qui fixe tous les attributs du martyr, hein, de la passion, le garrot, la tenaille, le couteau, les clous, le bol pour recueillir le sang, et qui est déjà environné, vous voyez, de l'aura, hein, du saint à venir. Et vous voyez pendre aussi à un petit bâton une poupée servant aux envoûtements, un livre, sans doute un recueil de prescriptions rituelles juives, et un membre coupé. Voilà. Revenir les cannibales. Cette exacerbation du code symbolique observe également dans cette autre représentation du meurtre de l'enfant Simon de Trente, gravée dans la Weltchronik, la chronique universelle de Schedel, publiée à Nuremberg en 1493. Ces images sont très pénibles, mais il faut quand même comprendre qu'elles inondent l'Europe à ce moment-là. Et vous voyez comment les juifs sont désignés comme juifs de manière redondante. Leurs traits sont évidemment ceux des caricatures antisémites. Ils portent la rouelle. Certains sont coiffés d'un chapeau cornu ou pointu. Et leurs noms même sont indiqués sur une étiquette. Au contraire, si l'on revoit justement à partir, vous voyez, de cette surabondance de signification, si l'on revoit le marchand juif peint par Uccello, au fond, rien ne le renvoie brutalement au code iconographique ordinaire de l'antijudaïsme. Il porte l'habit florentin, il est coiffé à la mode, il n'a pas de marque distinctive, il n'a pas cette rouelle, donc, qui est le signe infamant imposé aux Juifs par le concile de Latran IV en 1215, mais dans un mouvement qui est un mouvement de grand marquage des identités. C'est le temps des rouelles, mais c'est aussi le temps des sceaux, c'est le temps des signatures. Au fond, ce qui le désigne comme juif, ici, est reporté sur la cheminée, hein, avec les 3 blasons, justement. Et on en revient à la question des emblèmes. Un scorpion, évidemment, marque d'infamie, une tête de mort sur un bouclier, évidemment, rappel de la croisade, et une étoile rayonnante à 7 branches. Et ces blasons discrets, créent ce que Jean-Louis Schaeffer appelle justement cette espèce de bouger des ressemblances, ce flou des similitudes, qui permet d'identifier le sacrilège. Vous voyez comment l'hostie est brandie comme une rouelle. C'est l'hostie qui devient la rouelle. Ou comme un sceau sur le livre noir. Le geste de la chrétienne fait du banc du prêteur l'envers diabolique de l'autel. Et sa trahison devient l'ostentation. Mais voyez aussi pareillement comment la scène de la mise à mort, j'avais parlé, évidemment, fait écho à la passion du Christ. Celle-là, mais aussi celle où chacun porte l'habit rouge, où le juif déicide qui a tué Jésus en effigie, reproduit la passion sur les espèces eucharistiques, et le voilà qui connaît à son tour les affres de la passion. Donc, la société eucharistique ne peut être décrite comme une fiction englobante et apaisante. Elle produit une violence dont les Juifs sont les premières victimes, mais qui bientôt déborde le cadre de l'antijudaïsme chrétien. Et nous avions tenté de le comprendre en contrastant le pouvoir cannibale comme la tentation dévorante de la domination avec l'Eucharistie, en contrastant vous en souvenez peut-être, le songe du roi Louis VII qui avait rêvé qu'un fils Philippe lui serait donné, qui offrirait aux grands un calice pour qu'ils y boivent le sang du Christ, cet épisode des gestes de rigueur qui est intégré ici dans une des grandes chroniques de France, manuscrit français 28-13 de la Bibliothèque nationale. Je ne peux pas vous faire voir, en revanche, l'autre rêve qui faisait contraste et qui est celui raconté par Giraud de Barry, qui décrit le roi Guillaume II dévorant un cerf ensanglanté. Mais vous voyez bien qu'il y a un contraste ici, où le prince doit faire la bête. À un moment, j'avais voulu intituler cette séance « Bête de scène » avec C, mais j'ai regretté tout aussitôt. Ce qui est en jeu, en fait, c'est la dévoration politique et le rapport avec la mendication ecclésiastique. Et là encore, cette symétrie ne tient pas parce que, au fond, vous souvenez que le cannibalisme, comme retournement monstrueux de la métaphore eucharistique, déborde la théorie politique pour hanter tout imaginaire du pouvoir. Comment, effectivement, moins de 20 ans après que Montaigne ait écrit « Des cannibales », les planches gravées par l'atelier de la famille Debry dans son édition de la brève relation de la destruction des Indes de Las Casas sont utilisées comme matrice iconographique pour les pamphlets anti-espagnols des rebelles de Hollande, servant de modèle donc pour la dénonciation des atrocités pendant les guerres de religion. Comment, au fond, il y a un effet de symétrie entre anciens et sauvages, entre découverte d'un nouveau monde anthropophage et ensauvagement d'un ancien monde qui est soumis lui-même aux atrocités de la guerre civile européenne, qu'on appelle guerre de religion, dont violences faites aux Indiens, et c'est bien de cela dont témoigne Las Casas. Comprenez bien que lorsqu'il décrit la destruction des Indes, il décrit la destruction de l'Espagne, de l'Occident, par le fait qu'on détruit les Indes. Et donc, évidemment, cette barbarie, qui est l'ubiquité de la barbarie, nous sommes les barbares du monde, eh bien, elle se déploie, justement, dans cette grande crise de la hantise européenne de ceux, au fond, qui se flattent tant d'avoir honte d'eux-mêmes. Et ça nous amène, effectivement, face au monstre. Le Collège de France et France Culture vous présente Patrick Boucheron dans le cadre de sa série Fiction politique, aujourd'hui, face au Léviathan, l'événement visuel. Nous voici donc, enfin, face au monstre. Léviathan, Thomas Hobbes, 1651. Il nous regarde, nous le regardons. Nous le regardons aujourd'hui en sachant que tout se joue là. Et depuis longtemps, tout, c'est-à-dire notre modernité, quelque chose comme un triple changement d'état politique, d'état moral, d'état juridique, un changement d'air pour une nouvelle anthropologie. Cela, Luc Foineau l'a écrit récemment dans un livre formidablement vif, paru en 2016, c'est en folio, si vous voulez le lire pour la fois prochaine, ce serait pas mal. Hobbes, la vie inquiète. Cette inquiétude n'est pas angoissée. Et voici pourquoi elle porte en exergue cette belle phrase du 11e livre du Léviathan. Il faut considérer que la félicité de cette vie ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait. Ainsi que le commente Luc Foineau, Hobbes inscrit notre félicité à même l'inquiétude de nos vies désirantes. Entendez que nous serons inquiets, non pas pour nous dissuader d'agir, mais au contraire pour trouver des règles et des motivations à l'action. Or, comment agir ? Nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'est une vie bonne. La félicité ou simplement la manière dont il nous faut vivre n'est plus en partage. Et voilà pourquoi nous ne pouvons plus fonder le lien politique sur une inclination naturelle qui nous ferait chercher la compagnie d'autrui. D'ailleurs, les hommes n'ont pas d'instinct naturel qui les porterait à se rassembler. Au contraire, ils ont des passions qui tendent à les distinguer et par conséquent à les séparer les uns des autres. Et alors pourquoi vivre en société puisque nous ne nous aimons pas ? On ne peut plus arrimer la politique à une idée platonicienne du bien. On ne doit pas pour autant, vous avez compris que je parle, on ne doit pas pour autant refuser l'idée qu'il puisse y avoir une morale à l'action politique, comme le propose Machiavel. Alors que faire ? Hobbes répond, on doit s'accorder sur la souveraineté et la justice. On doit obéir à l'État en faisant corps avec lui. Car cette grosse bête qui monte la garde, n'est pas comme dans le modèle pastoral un animal familier qui rassemble le troupeau, parce que nous sommes le troupeau, mais nous ne sommes pas à l'extérieur de lui, il nous a pris. Il nous englobe, il nous agrège, il nous ordonne. Mais c'est nous-mêmes, par notre obéissance à ses règles, qui lui donnons les moyens de nous garder. Cette grosse bête est donc un monstre. Mais est-ce que ce monstre est bienveillant ou malveillant ? Est-ce que l'incorporation est de dévoration ou de manducation ? Est-ce l'accomplissement de la société eucharistique ? Ou le paroxysme du pouvoir cannibale ? Cela, nous ne le savons pas encore. Mais nous sommes face à l'image. Et face à l'image, on doit se poser la seule question qui vaille, celle que pose Horst Bredekamp dans son livre fondamental « Stratégie visuelle » de Thomas Hobbes, traduit en 2003, pourquoi Hobbes ne peut-il penser l'État sans en créer une image ? Pourquoi ne peut-il le repenser au sortir des guerres de religion qu'à condition de le représenter ? Cette image, elle fait écran à notre lecture de ce texte monstrueux. C'est Leibniz qui disait « C'est un livre monstrueux comme son titre lui-même l'indique ». Mais elle fait plus que l'illustrer, elle s'interpose entre lui et nous. Elle nous immobilise face à elle par un événement visuel. Alors son titre, oui, mais son frontispice. Je reviendrai la fois prochaine sur la question de l'attribution du dessin de la gravure. Vous voyez que je reste pour l'instant au seuil. Mais une chose est certaine, c'est que tous les spécialistes s'accordent à penser que Thomas Hobbes l'a voulu, l'a inspiré, l'a imaginé. Et il est le seul, d'ailleurs, parmi les théoriciens politiques qui lui sont contemporains, Bodin, Suarez, à faire précéder ses livres d'un frontispice. Mais qu'est-ce qu'un frontispice ? Le terme vient du vocabulaire de l'architecture. Ça désigne la face principale, frontale, d'un édifice qui en illustre les proportions et les grandeurs. Furtière le décrit ainsi, à la fin du XVIIe siècle, dans son dictionnaire, « La face est principale entrée d'un grand bâtiment qui se présente de front aux yeux des spectateurs. » Donc c'est la façade d'un livre qui en monumentalise l'accès de manière architecturée. Et c'est pour ça, effectivement, que les premiers frontispices, là vous avez l'anatomie de Galien qui date de 1531, eh bien se donnent à voir comme des façades. C'est la façade du livre. Et passant du volume d'architecture au volume du livre, le frontispice, donc qui est au sens fort une métaphore, se part donc du sens qu'avait la préface pour Furtière, qui le décrit ainsi, avertissement qu'on met au devant d'un livre pour instruire le lecteur de l'ordre et de la disposition qu'on y a observée, de ce qu'il a besoin de savoir pour en tirer de l'utilité et lui en faciliter l'intelligence. Louis Marin a exploré effectivement cette analogie entre la préface et le frontispice à partir de son analyse qui est restée fameuse du frontispice des contes en prose que Charles Perrault dédie en 1695 à Mademoiselle, la nièce de Louis XIV. Ici, vous voyez pas d'architecture imposante, mais une cheminée, une femme sans nom qui raconte des histoires à des enfants, une bougie, un chat qui nous regarde de ses yeux maléfiques. Et sur la porte, deux plaques clouées. La grande nomme la narratrice anonyme, ma mère Loi, conte de ma mère Loi. La petite cache un nom crypté. Est-ce que c'est celui du graveur? Est-ce que c'est celui de l'écrivain? Elle est à côté, vous voyez. En tout cas, elle donne à lire, à voir, l'inscription d'un nom illisible. Et c'est cet effacement qui signe l'ouvrage, qui attire donc le regard vers le trou de la serrure, où nous regarde sans doute comme dans Peau d'âne quelqu'un. Et tel est l'enjeu du frontispice pour Louis Marin, que les contes perdent leur nom d'auteur, qu'ils deviennent des contes de fées, en attendant que le patronyme Charles Perrault ne s'anonymise lui-même en ce prédicat vague « Comte de Perrault », où s'efface, où on n'entend plus le nom propre. Mais faisons quant à nous raisonner un peu de ce nom propre, Thomas Hobbes, né jumeau avec la peur, écrira-t-il plus tard, car sa mère accoucha sous le choc de la nouvelle de la défaite de l'invincible Armada en 1588, mort à 91 ans en 1679, c'est d'abord un humaniste qui passe de l'école de Malmesbury, c'est pour ça qu'il signe Thomas Hobbes of Malmesbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre, à l'université d'Oxford en 1603. Là, il découvre la géométrie, se passionne pour la physique, pour l'optique, mais d'abord, il a une culture littéraire et classique des Studia Humanitatis, et sa première œuvre est la traduction complète des 8 livres de la guerre du Péloponnèse de Thucydide en 1629. L'édition comporte des cartes, dont une de la Grèce en grand format sur une planche dépliante qu'il a lui-même dessinée avec tous les lieux évoqués dans le récit de Thucydide. Il travaille d'ailleurs dans la bibliothèque de Hardwick où figurent tous les livres dont il a besoin pour élaborer cette éloquence visuelle de ses frontispices, les livres d'emblèmes, on l'a dit, mais aussi les premiers ouvrages à frontispices emblématiques, complexes, comme L'anatomie de la mélancolie de Robert Burton, qui est paru l'année d'avant, 1628. Donc il s'agit bien d'éloquence visuelle, au sens humaniste, hein, enfin ce que les humanistes lisent dans Quintilien, c'est-à-dire les images, ont une force cachée pour promouvoir, pour solliciter notre esprit. Alors, à regarder le frontispice de la traduction de Thucydide, nous comprenons qu'il encourage une lecture à la fois verticale et horizontale, mais c'est la confrontation, effectivement, entre ces deux axes, incarnés donc à gauche par Archidamos, le roi de Sparte, et à droite par Périclès, le chef de la démocratie athénienne, les deux généraux disposés en vis-à-vis comme des cariatides à l'entrée du livre qui racontent leur combat. Et c'est cela qui structure l'ensemble, Sparte contre Athènes. Deux paysages urbains, en haut, mais aussi, en bas, deux manières de délibérer. Et ça, ça commence à devenir intéressant. Regardez, sous la figure du roi de Sparte, Archidamos, les Aristoi délibèrent activement avec leur roi. Sous la figure de Périclès, au contraire, les citoyens, dans la police, au Poloï, écoute une harangue, d'ailleurs pour certains n'écoute pas tout à fait, et cette passivité donc est du côté démocrate. Quentin Skinner commente l'image par cette citation plus tardive des éléments de la loi naturelle et politique, 1640, « Une démocratie, en fait, n'est rien de plus qu'une aristocratie d'orateurs, interrompue parfois par la monarchie temporaire d'un seul orateur. » Une aristocratie d'orateurs interrompue parfois par la monarchie temporaire d'un seul orateur. Et cette monarchie temporaire, c'était celle de Périclès. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que Hobbes, ennemi de la démocratie, sauve la figure de Périclès comme gouvernement de l'homme prééminent, principal man, qui en impose à la démocratie. Or ici, le rhéteur est un dictateur. Un dictateur au sens fort, c'est-à-dire qu'il se laisse dicter par la foule qu'il subjugue, qu'il excite, qu'il flatte. Apparaît donc ici une critique de l'éloquence qui est celle du lien volontaire. Et on rejoint d'ailleurs cette image que je vous ai montrée, les emblémata, parce qu'au fond, cette chaîne qui relie la langue de l'éloquent à l'oreille de désobéissant, elle tient qui ? Qui est l'esclave de qui dans une dictature? Ce qui est très intéressant, c'est que ici, on a la méthode de Quentin Skinner qui, d'une histoire des idées qui ne contemple pas des théories générales, mais qui reconstitue des problèmes, des polémiques, des conflits. Il ne s'agit pas seulement d'historiciser la pensée de Thomas Hobbes en disant, ce qui est vrai par ailleurs, qu'il va tenter, après la guerre civile qui éclate en Angleterre à partir de 1642, de sauver l'absolutisme royal. Il s'agit de comprendre qu'il se donne un adversaire dans le républicanisme des Romains, tel que les cités italiennes du temps de l'humanisme l'avaient réactivé, tel que, évidemment, la fresque du bon gouvernement la donne à voir, et cette corde de liens volontaires qui relie effectivement les citoyens libres à un gouvernement vertueux, elle définit ce que c'est que la liberté pour les Romains, et donc ensuite pour les cités italiennes. C'est-à-dire, dans le droit romain, ce qui ôte la liberté de l'homme est de s'assujettir à un pouvoir arbitraire. Il suffit qu'il y ait un maître pour que les freemen deviennent des esclaves. Or, ce à quoi va s'affairer Hobbes est de démontrer, et c'est ça qui nous intéresse, que la liberté peut être perdue ou confisquée même en l'absence d'ingérence de l'arbitraire, qu'il nous suffit de ne pas désirer notre liberté, de ne pas la pratiquer, et qu'à l'inverse, si on suit nos propres désirs, c'est pour ça que tout est affaire de corps désirant, si l'on suit nos propres désirs, alors on peut demeurer libre en obéissant à l'État. C'est cette idée qui est rendue visible dans le frontispice du De Civitate. J'avance progressivement vers le Léviathan, qu'on laissera à la fin de la séance. Hobbes, à ce moment-là, De Civitate, du citoyen. Hobbes a quitté Londres en 1640 pour Paris, où il demeurera 11 ans en exil. Son traité du citoyen tente de faire du gouvernement ecclésiastique un rempart contre la guerre civile. Il en existe un manuscrit sur parchemin qui porte la date de 1641. Mais ici, vous voyez deux choses. Ben, vous voyez d'abord que c'est 1642, Parisis, à Paris. C'est donc le frontispice gravé. Il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs, dont Horst Bredekamp étudie l'instabilité iconographique. Il y a le nom du graveur, Matthäus Fekit, c'est l'artiste parisien Jean Matthäus, mais en revanche, le nom de l'auteur n'apparaît que par ses initiales. Les trois champs du frontispice, en haut, à gauche, à droite, illustrent les trois sections du livre. Le ciel et l'enfer comme le domaine de la religio, la paix comme l'apanage de l'imperium, la guerre comme l'état de la libertas. Le registre supérieur est identifié par une poutre de séparation sur laquelle est marqué religio et le Christ, classiquement, sépare les élus des damnés. Vous remarquez juste que les élus ressuscitent avec leur corps matériel, ce ne sont pas des âmes. Dans le registre inférieur, l'imperium est équipé de tous les attributs de la souveraineté, la balance, l'épée. L'épée est brandie vers le haut, ça veut dire qu'elle s'autorise, l'imperium s'autorise de Dieu, et en même temps promet le paradis. En revanche, la libertas est incarnée par un Indien d'Amérique, Mossad, dont la flèche pointe vers le bas, c'est-à-dire l'enfer sur terre. La liberté nous promet l'enfer sur terre. Car la liberté est cet état de nature où l'homme est un loup pour l'homme, où n'importe qui peut de droit dépouiller et tuer autrui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe derrière lui? Des hommes chassent, ok, c'est le pouvoir de prédation. Mais qu'est-ce qu'ils chassent, d'autres hommes? Où est leur gibier? D'autres hommes, hein, qui s'enfuient. Et regardez, de l'autre côté de la cuisse de l'Indien, vous voyez un repas macabre, vous voyez des cannibales, vous voyez des membres dépecés d'êtres humains. Revoilà les cannibales, revoilà les anthropophages, revoilà, au fond, ce moment réversibilité des fictions politiques où Hobbes reprend ici la formule visuelle des images idylliques que Debrie donne des chefs algonquins de Caroline du Nord à partir du livre de Thomas Sariot en 1590, des corps beaux, puissants, paisible, une nature sauvage, mais pacifique et libre. C'est contre ce rêve européen qu'écrit Hobbes. C'est contre ce rêve européen qui est l'envers du cauchemar qu'ils vivent en devenant les barbares du monde. Et regardez comment dans ce magnifique livre de Thomas Harriot, 1590, donc l'invention des bons sauvages, comment les Indiens là chorégraphient magnifiquement une scène qui est comme l'envers de ce que leur font les Européens au même moment, c'est-à-dire une mutilation au moment où ils deviennent les barbares du monde. Oui, le frontispice est un seuil, mais ce qui l'ouvre, c'est un rideau fixé à la poutre de séparation. Regardez, il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché, et sur ce titre, vous voyez comment on a à la fois le verset 8-18 des Proverbes de Salomon, « Par moi règnent les rois et les princes décrètent le droit ». Vous voyez comment les vers sont incurvés, c'est que le rideau est gonflé par le vent, mais qu'y a-t-il derrière ? C'est une arcane. Ce que montre le frontispice d'abord, qui est donc l'entrée monumentale du livre, et encore plus avec le Léviathan que l'on décrira la fois prochaine avec son compartimentage par effectivement quelque chose qui semble très architecturé avec des cadres de bois, mais le centre est proprement voilé, c'est l'arcane. L'image est donc une porte dérobée. Elle voile autant qu'elle révèle. Que le lecteur entre et il verra ce qu'il y a à voir. Léviathan 1651, le rideau montre qu'il y a quelque chose de caché. Le rideau rend visible le fait que tout n'est pas vu. C'est un théâtre. Oui, mais c'est un théâtre baroque où le rideau tombe des hauteurs lorsque commence la représentation. Il n'est pas encore tombé, et la représentation, c'est la fois prochaine. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Patrick Boucheron le 21 février 2017 dans le cadre de sa série Fiction politique. Aujourd'hui, face au Léviathan, l'événement visuel. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les références des images, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Patrick Boucheron. Sa leçon inaugurale, Ce que peut l'histoire, a été publiée chez Fayard en 2016. Il a publié Au Seuil en 2013, Conjurer la peur, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images, et chez le même éditeur, il a dirigé Une histoire mondiale de la France en 2017. Enfin, il publie courant mai ses chroniques radio, Un été avec Machiavel, aux éditions des Équateurs. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur les fictions politiques avec Patrick Boucheron. Face au Léviathan, deuxième épisode, Nul ne sait ce que peut un corps politique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.